Chapitre 26. La preuve par Harry. 22 décembre 2004 au 12 janvier 2005. L'affaire sortit dans les journaux 2 jours après l'audience ayant décidé que la garde de Benjamin Grimstone devait être momentanément retirée à ses parents. Visiblement, les Grimstone avaient choisi cette stratégie pour mettre l'opinion publique de leur côté et obliger le ministère à revenir sur sa position. La période de Noël ajoutait encore un aspect tragique à la situation familiale. Mr. et Mrs. Grimstone présentèrent Harry comme imbu de lui-même, prêt à tout pour imposer sa vision des choses. Ils s'interrogèrent sur les méthodes utilisées pour les discréditer, des méthodes moldues, et sur l'étrange bienveillance dont avait fait preuve la cour à l'égard d'un dossier sans queue ni tête. Fawcett dut monter au créneau et indiquer que ce qui était opposé aux Grimstone étaient les observations convergentes des Aurores, des guérisseurs et d'un juge du Magen Mago. Harry et Pritchard furent également interrogés, mais se réfugièrent derrière le devoir de réserve pour ne pas répondre aux questions. Harry fut surpris de la passion dont les gens faisaient preuve pour une affaire dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Visiblement, les mots « Noël »,« enfant » et « séparé de ses parents » les faisaient réagir comme si c'était leur famille qui était en cause. Il avait également des partisans qui rappelaient que toutes les causes défendues par le survivant s'étaient révélées justes et que si celui-ci considérait que les parents présentaient un danger pour leur progéniture, il devait avoir de bonnes raisons. Dans un souci d'apaiser les tensions, Fawcett incita les deux aurores concernées à prendre leurs vacances le temps que la pression retombe. Pritchard, dont les enfants venaient de rentrer de Poudlard, apprécia cette solution, tout comme Harry, qui pouvait ainsi profiter de la présence de Ginny. Pour prendre du recul vis-à-vis de cet épisode qui remuait de difficiles souvenirs pour Harry, le couple Potter se réfugia dans le monde non magique. Hermione leur conseilla un chalet dans les Alpes françaises où ses parents avaient pris des vacances l'année précédente. Ils s'imprégnèrent de la beauté de la montagne sous la neige, s'initièrent aux balades à raquettes et mangèrent de la fondue. Ils firent même une mémorable bataille de boules de neige qui leur rappela les hivers dans le parc de Poudlard. Le 26 décembre, ils fêtèrent leur anniversaire de mariage dans un bon restaurant et finirent la soirée devant le feu de bois de leur chambre. Ginny, qui regardait les flammes dans les bras de Harry, fit remarquer. « Il faudrait peut-être qu'on se décide pour le prénom du bébé. » « Tu as terminé ton livre, quel prénom pour un bébé sorcier ?» la taquina Harry. « Tu n'y as jamais réfléchi ?»« Comme je suis certain que tu as déjà ta petite idée, j'attendais que tu m'en parles, » répondit prudemment Harry. « Je t'en parle. Souhaites-tu un prénom qui rappelle ceux qui ont cours dans ta famille ?»« Pourquoi pas en fonction de la tienne ?» demanda Harry. « Parce qu'avec les enfants de mes frères, je pense que nous arriverons à caser tous les noms que nous voulons. » expliqua doucement Ginny. « Mais il n'y aura pas d'autres Potter que ceux que nous ferons. » Harry ne répondit pas tout de suite, songeant à ses responsabilités en tant qu'unique héritier et dépositaire de son nom. « Tu penses que c'est une bonne chose de réutiliser les prénoms de ceux qui nous manquent ?» demanda-t-il finalement à Ginny. Elle réfléchit à la question. « Je ne sais pas si on peut répondre oui ou non de façon catégorique. » Tout dépend de ce qu'on met dans ce rappel. Il ne faut pas qu'un enfant ait l'impression qu'il est là pour remplacer ceux qui sont partis. Il faut, au contraire, qu'il se sente, par ce lien, encore plus profondément rattaché au sien. J'ai toujours été fier de porter le prénom de la mère de papa et j'aimerais qu'une de mes petites filles hérite de ce prénom pour perpétuer la tradition. Pour se donner le temps de la réflexion, Harry alla rajouter une bûche dans la cheminée. Il regarda les flammes danser et remarqua. James ou Lily Potter, ce n'est pas neutre. Être les enfants du survivant ne le sera pas. Même s'ils s'appellent John et Kate, on fera référence à toi en entendant leur nom. J'ai presque envie de les élever dans le monde moldu et de les envoyer à l'étranger pour leurs études, grommela Harry. Si tu ne t'étais pas fait remarquer en récupérant la pierre philosophale et en sauvant les jeunes filles en détresse, ta normalité aurait fini par remplacer l'image attachée à ton patronyme, affirma Ginny. Leurs actes et leurs choix seront plus déterminants que le nom que nous choisirons pour eux. Après un nouveau silence songeur, Harry demanda. « Tu te vois élever un James ou une Lily Potter ?»« Ce sont des prénoms que j'apprécie, et je suis fier de ce que tu es et de ce que ta famille a fait pour lutter contre Voldemort. Après tout, ça a contribué à nous rapprocher. » « J'ai besoin d'y réfléchir encore, » finit par dire Harry. « Nous avons le temps, » le rassura-t-elle. De retour au ministère, Harry apprit que les Grimstone avaient porté plainte contre le bureau des Aurores pour ingérence abusive et qu'il faudrait de nouveau défendre leur position devant une cour. Pour la première audience, Harry avait été prié de ne pas tant porter l'accent sur le sort maléfique que sur le mensonge des parents, pour les décrédibiliser. Sachant que la nature du dossier des Aurores déstabiliserait le juge, Fawcett avait préféré ne pas trop s'avancer et se limiter à mettre l'enfant en sûreté. Cette fois-ci, lui expliquèrent Fawcett et Stratford, la situation était tout autre. L'intervention personnelle de Harry avait été mise en cause et plaider la magie noire rendrait toute sa légitimité à son combat. Ils répliquèrent donc à la plainte des parents par une accusation en bonne et due forme de pratique de la magie noire. Harry reprit donc le dossier et tenta de tirer des leçons du semi-échec de la première audience. Au fur et à mesure qu'il développait son accusation, son argumentation prenait la forme d'une véritable plaidoirie. « Ce n'est pas trop long, » finit-il par s'inquiéter. « C'est beaucoup plus long et argumenté que d'habitude, » admit Fawcett, qui suivait ça de près. « Mais, juridiquement parlant, ton temps de parole n'est pas limité. La seule règle qui s'impose est que l'accusé ait la parole en dernier. Dis ce que tu as à dire. C'est notre seule chance de démontrer notre point de vue alors que la victime ne témoigne pas et que les résidus de magie noire ont été effacés. » La presse était déchaînée et, bien que Harry fasse son possible pour ne pas la lire, des titres s'imposaient parfois à lui dans l'ascenseur du ministère ou sur le bureau de ses collègues. Consciente que ce n'était pas le moment de rendre publique la paternité prochaine du survivant, Ginny n'osait plus sortir à visage découvert et apprit à se transformer comme son mari le faisait. Elle aidait toujours ses frères au magasin, mais restait discrètement dans l'arrière-boutique, n'étant pas aussi assurée que Harry dans la métamorphose de ses traits, arrivant tout juste à changer la couleur de ses cheveux et allongeait son nez devant un miroir. Compréhensif, son club affirma aux journalistes qui s'étonnaient de ne pas la voir à l'entraînement qu'elle était en rééducation suite à une blessure au poignet et promit son retour pour le mois suivant. Malgré les protestations des journaux, la nouvelle audience fut, elle aussi, annoncée à huis clos. Harry s'en réjouit, n'ayant pas envie de soutenir ce dossier devant un public avide de sensationnel. Fawcett doucha son sentiment de satisfaction. Le problème est que les parents pourront raconter ce qu'ils veulent ensuite et laisser entendre que le procès n'a pas été équitable. L'avantage de la publicité des débats est justement de lever tout doute à ce sujet. « C'est si important ?» demanda Harry. « Ce qui compte, c'est de convaincre les juges de protéger Benjamin. Le reste passe après. » « Je sais que tu ne te préoccupes pas de ta réputation dans la presse, » répliqua Fawcett. « Mais moi, je dois veiller à la réputation des Aurores. » Harry faillit répondre que les Aurores n'avaient jamais tant failli à leur devoir que lorsque les journaux semblaient approuver le sale boulot dont ils étaient chargés, mais il se retint. Si Fawcett était à ce poste, c'est qu'il avait prouvé que, même pendant l'année des ténèbres, il n'avait pas fait le jeu des mange-morts. L'expérience m'a juste appris qu'à long terme, il vaut mieux agir selon ses principes que de perdre du temps à faire ou dire ce que les gens attendent de vous, tempéra Harry. Quoi qu'il en soit, la décision ne nous appartient pas, conclut Fawcett. Je vais voir avec Kingsley la façon de gérer cette affaire à mon niveau. Le matin de l'audience, Harry eut du mal à faire passer son petit déjeuner. Cela lui rappela le jour où il avait été sur le banc des accusés. Dans cette cuisine, il avait regardé ses œufs avec le même dégoût et Ginny remplaçait Molly dans le rôle de l'arbitre des élégances. « Tu aurais dû te faire couper les cheveux hier, » disait-elle. « Tu es sûr que tu ne veux pas mettre ta robe bleu nuit ? Elle est plus neuve que celle-là. » « Personne n'y prêtera attention, » lui assura Harry. « Il n'y aura pas de public. » « Oui, mais toi tu sauras que tu es à ton avantage. » Je préfère me sentir à l'aise dans ma vieille robe et dans mes chaussures usagées, répliqua-t-il d'une voix agacée. Ginny comprit qu'elle le stressait davantage et se tut. Elle se risqua juste à un « bonne chance » quand il se prépara à prendre la cheminée. Il revint sur ses pas et l'embrassa tendrement. « Si on dînait dehors ce soir, » proposa-t-il, « un bon restaurant plein de moldus, qu'est-ce que tu en dis ?»« Je m'occupe de ça, » promit-elle. « Montre-leur que tu es Harry Potter. » Ce fut avec le sourire que Harry arriva dans l'atrium du ministère de la magie. L'audience était prévue en début d'après-midi et il passa la matinée à revoir son dossier, vérifier que ses pièces étaient bien classées, envoyer des hiboux à ses témoins pour s'assurer qu'ils viendraient, répéter tout bas ce qu'il avait l'intention de dire. Il déjeuna d'un sandwich, ne voulant pas se déconcentrer en allant à l'extérieur. Quand il eut terminé, Owen le força à venir prendre un café avec lui dans le coin du QG réservé à cet effet. « Arrête de lire tes notes !» l'enjoignit-il. « Tu vas nous faire une crise de nerfs avant l'audience si tu continues. »« J'ai peur d'oublier un élément capital. » »« On ne trouve pas d'élément important une heure avant la séance, » affirma Owen. « On ajoute des erreurs, c'est tout. » « Il a raison, » intervint Simus, qui était à proximité. « Tu me fais penser à Hermione quand on passait nos examens. Elle arrivait à nous mettre la pression à tous. » Tu crois qu'elle aurait moins bien réussi si elle avait pris une journée de repos avant ? Fais voir, lui fit Owen. Ah, regarde, tu as mis de la mayonnaise sur ta manche. Tu n'avais pas une robe plus neuve à mettre ? Demanda-t-il en lançant un sort de nettoyage. Tu as reçu un hibou de Ginny ou quoi ? Grogna Harry. C'est important, l'apparence, assura Owen. Fiche-lui la paix, l'enjoignit Angelina, qui avait repris son poste depuis 2 mois. « T'es parfait, Harry. Fais ton boulot et c'est tout. » Harry échangea avec elle un regard amical. Leur relation avait évolué du fait de leur appartenance à la même famille. Le dimanche, ils discutaient parfois de leurs affaires en cours et partageaient leurs connaissances et astuces respectives. Angie s'assit près de ses collègues et commença à raconter les dernières mésaventures de son mari avec un nouveau produit en développement. Harry avait déjà entendu l'histoire de la bouche de Ginny, mais l'image de George, réduit au silence pendant une journée entière parce que sa voix avait complètement disparu et qu'il n'arrivait pas à trouver le contresort, le fit encore rire. Ginny, qui avait assisté à la scène, avait ajouté qu'on ne pouvait que se féliciter de sa mutité, au vu des jurons que ses lèvres prononçaient. Quand Pritchard revint de sa pause déjeuner, il parut étonné de retrouver Harry en train de plaisanter avec ses amis et s'efforça de se mettre au diapason pour ne pas renvoyer son collègue à sa nervosité. Lorsqu'ils sortirent du QG avec leur dossier, il le prévint cependant. « Les journalistes et plein de curieux campent devant la porte de la salle d'audience. On va devoir passer parmi eux pour entrer. »« On ne peut pas trouver une autre issue ?»« Malheureusement non, » regretta Pritchard. « Ne réponds à aucune question. Je me charge de te frayer un chemin. »« Je ne peux pas me transformer. » Tout le monde sait que c'est toi qui dois soutenir l'accusation. Il faut qu'on te voie entrer, sinon ils vont imaginer on ne sait quoi. » Harry grimaça en se disant que, tout compte fait, il aurait sans doute été inspiré de mieux écouter les conseils vestimentaires de sa femme. « Et nos témoins ? » s'inquiéta-t-il. « Ils sont déjà arrivés et attendent dans une salle voisine. Personne n'a soupçonné qu'ils venaient pour nous. » « J'espère que cela ne va pas les dissuader de comparaître. » Il savait à quoi il s'exposait dès le début. Ne te bile pas pour ça. Il y avait encore plus de monde que Harry ne l'avait craint. Il fixa son regard sur la porte en bois sculpté qui séparait la salle d'audience du couloir et avança droit devant lui d'un pas régulier, faisant confiance à son partenaire pour lui dégager le passage. Il lui sembla bien écraser quelques pieds, mais il parvint sans encombre à l'entrée de la salle. 2 huissiers en défendaient l'accès. Ils les laissèrent passer tout en maintenant à distance les curieux qui hurlaient leurs questions. Ce fut un soulagement de retrouver le calme de la cour de justice. Une quiétude de courte durée, malheureusement, car Saint John Bielinski, le défenseur de la famille, les accueillit d'un « Vous avez apprécié votre bain de foule ?»« J'ai davantage travaillé ce dossier que parlé à la presse », rappela sèchement Harry, que le bonhomme agaçait prodigieusement. Il rejoignit sa place en faisant de son mieux pour ne pas regarder en direction de Mr. et Mrs. Grimstone et posa ses documents sur la table qui avait été mise à sa disposition. Pritchard lui fit passer un mot. « Calme-toi, il fait son boulot, c'est tout. On gagnera comme la dernière fois parce que notre dossier est meilleur. » Harry inspira profondément plusieurs fois pour retrouver sa sérénité. Le représentant du ministère de la magie entra à son tour et prit sa place sans saluer personne dans la plus stricte neutralité. Après le carillon d'usage, la cour entra. Il y avait cette fois trois magistrats. Le mage président avait été choisi avec soin, carrière sans tâche, près de la retraite, connu pour son sérieux. Fossette avait dit à Harry que les motivations de ses arrêts étaient apprises par cœur par les étudiants en droit magique. Nul ne pourrait contester sérieusement la décision qu'il prendrait. Le mage président commença en résumant les faits antérieurs. L'hospitalisation de Benjamin, le fait qu'il ne semblait pas se souvenir de l'origine de ses blessures et les conclusions de la première audience. Il eut ensuite les motifs invoqués pour porter plainte contre les Aurores, puis l'accusation en réponse qu'ils avaient soumise au Magène Mago, modifiant la nature de l'affaire. Il donna ensuite la parole aux Aurores qui devaient porter l'accusation. Harry se leva et, après une courte introduction pour rappeler sa position, attaqua. « Je pense que nous devons nous poser deux questions pour savoir si Benjamin a été victime d'un sort noir. Ses parents ont-ils menti sur les circonstances et la nature des blessures de leur fils? Si oui, qu'ont-ils cherché à cacher ?» Il reprit ensuite tous les arguments développés lors de la première instance pour prouver l'impossibilité manifeste de l'action de quelconque griffe-tout. Il ne s'étendit cependant pas sur sa démonstration, sachant que la cour avait lu son dossier et lui poserait des questions supplémentaires en cas de besoin. Il demanda pour appuyer ses dires l'audition du guérisseur Diesdorf et de Christopher Perks. L'un après l'autre, les deux témoins furent produits. Hans Diesdorf n'évoqua pas le sectum sempra, mais décrivit précisément les lésions qu'il avait constatées, les sorts lancés sans effet et, enfin, le traitement appliqué avec succès. Perks expliqua la façon dont il s'y était pris pour obtenir les éléments dont Harry se prévalait. L'Aurore fut soulagée en voyant que les juges lui posaient des questions précises. Manifestement, il prenait au sérieux son intervention dans le dossier. La défense tenta une fois de plus de se moquer des preuves que le marionnettiste avait produites, non seulement grossières mais relevant davantage du domaine de l'artistique que du juridique. Mais Harry eut l'impression que Bielinski n'intervenait que par acquis de conscience, sans se faire d'illusions sur l'efficacité de sa contre-attaque. Sur l'invitation du juge, Harry entama la seconde partie de sa démonstration. Il serait bon maintenant de se pencher sur les blessures reçues par Benjamin. Le guérisseur Diesdorf vient de vous les décrire avec précision. J'aimerais que vous vous représentiez ces longues et profondes entailles découpant la peau et la chair de façon parfaitement régulière et le flot de sang impossible à juguler avec les sorts de guérison courants. Puis-je faire entrer mon troisième témoin ? Le juge acquiesça d'un signe de tête, et un homme d'une cinquantaine d'années fut introduit dans la pièce. Sur l'invitation de la cour, il déclina son identité. « MacDougall Tearlac. Je suis luthier et j'habite à Dundee, en Écosse. » « Mr. MacDougall, pouvez-vous montrer votre blessure au tribunal ?» « S'il vous plaît ?» demanda Harry. L'homme ouvrit sa robe jusqu'au nombril, dévoilant son torse. Tout le monde constata qu'il avait une cicatrice blanche, parfaitement longiligne, partant de son sternum et descendant vers sa hanche gauche. « Pouvez-vous raconter comment vous avez été blessé ?» demanda Harry. « Pour sûr. C'était le 5 mars 1980. J'étais avec ma femme quand on a entendu du bruit dehors. » J'ai pas attendu pour savoir ce que c'était parce que je les attendais, moi, ces encagoulés. J'avais refusé d'entrer dans leur petite bande et ils étaient pas du genre à lâcher le morceau. Vous comprenez, sous prétexte que j'étais à Serpentard, ils pensaient que j'étais de leur côté, ces vandales. Mais je les avais envoyés balader quand ils m'avaient proposé de rencontrer leur saloperie de lord. Bref, je dis à ma femme de prendre la cheminée en vitesse. Elle attendait notre petite morague et je voulais pas qu'elle prenne de risques. Ils étaient déjà en train d'entrer et je me suis battu pour qu'elle ait le temps de fuir. J'ai réussi à en stupéfixier deux. Je me défendais pas mal en ce temps-là. Mais il y a un genou, du genre qui veut faire ses preuves, quoi, qui a foncé sur moi et qui m'a lancé un maléfice. J'ai eu l'impression qu'il m'avait coupé en deux. Par chance, j'ai été projeté en arrière et je suis tombé dans ma cheminée. Comme ma femme avait fait tomber le pot de poudre de cheminette, les flammes étaient vertes. Alors, je me suis recroquevillé sur moi-même pour être le plus possible dedans et j'ai hurlé « Sainte mangouste !» J'étais dans le potage quand je suis arrivé là-bas, mais ils ont fait ce qu'il fallait puisque me v'là devant vous. « Merci, Mr. McDougall, » enchaîna Harry. « Comme vous pouvez le constater, la blessure part de la droite et descend vers la gauche. C'est une coupure nette, sans accroc, et qui est toujours apparente 25 ans plus tard, preuve que de la magie noire en a été la cause. » Harry vit le regard de tous ses interlocuteurs remonter jusqu'à son front à lui. La réaction de son coéquipier quand il avait proposé cet argument l'y avait préparé, et il enchaîna sans temps mort. « J'aimerais maintenant vous faire entendre un autre témoin. » « Médicommage Herbert Huskinson, » se présenta le suivant qui avait la soixantaine sémillante. « Chef du service des blessures par créatures vivantes à Sainte-Mangouste. » « Pouvez-vous raconter ce qui s'est passé le 5 mars 1980 ?» lui demanda Harry. « Bien entendu. C'était aux environs de 20h. Le soir était tombé et je venais de prendre mon service. Je faisais des nuits encore, en ce temps-là. Il faut vous rappeler qu'à cette époque, on était en pleine guerre et on ne pouvait pas laisser n'importe qui entrer, même à l'hôpital. On avait donc deux policiers qui gardaient l'unique cheminée qui était reliée au réseau. L'un d'eux m'a fait appeler car un mourant était arrivé. Je reprends ses propres termes. « Quelle mémoire !» fit remarquer Saint John Bielenski d'une voix faussement admirative. « Certains faits marquent plus que d'autres, » répondit le témoin sans sourciller. « Je reprends. Je suis venu le plus vite possible. Effectivement, le pauvre R avait l'abdomen ouvert. Il saignait abondamment et l'on pouvait voir certains organes prêts à sortir. Il n'a évité l'éviscération que par la position qu'il avait prise en entrant dans sa cheminée et dans laquelle il se trouvait toujours. Bien entendu, je lui ai immédiatement appliqué les sorts habituels, mais rien ne semblait pouvoir refermer la blessure. Je n'ai pas pour habitude de me tromper dans mes incantations et j'ai tout de suite compris que c'était une plaie causée par un sortilège noir. C'était loin d'être rare, hélas, en ce temps-là, et nous avions tout ce qu'il fallait pour les soigner. Il n'empêche que le bonhomme était bel et bien en train de mourir. C'était une question de seconde. Alors je n'ai pas hésité. J'ai utilisé une technique moldue. Il toisa le tribunal, comme pour mettre les juges mages au défi de lui faire le moindre reproche. Quel genre de technique ? Demanda simplement le président. Le pansement compressif, explicita le témoin. Vous comprenez, les malheureux n'ont pas nos moyens magiques, alors ils se contentent de méthodes simplettes, voire barbares, mais parfois étonnamment efficaces. J'ai invoqué des bandes de gaz et j'ai enroulé mon patient dedans, en serrant bien fort pour comprimer la plaie, empêcher le sang de jaillir et les organes de sortir. Cela m'a donné le temps de faire venir ce dont j'avais besoin, et notamment un cataplasme à base de racines de mandragore, pour absorber toute la magie. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que nous avons pu le soigner pour de bon. Mais la réparation a laissé des traces, comme toujours quand la magie noire a eu le temps de faire son œuvre. Je suis cependant ravi de constater que mon patient est en parfaite santé à ce jour. » Il contempla Mr. McDougall comme un vétérinaire observe un spécimen particulièrement robuste. Son ancien patient lui retourna un regard empli de gratitude et d'admiration. « Magnifique histoire, » reconnut l'avocat d'un ton nettement sarcastique. « Mais je ne vois pas en quoi cet épisode, vieux d'il y a 25 ans, concerne mes clients. » « Je vais y venir, maître Bielinski, si je peux continuer ma démonstration, » assura Harry. « Avant que l'Aurore Potter ne reprenne, avez-vous des questions à poser aux témoins ?» demanda le mage président à la Défense. Je ne voudrais pas interrompre la remarquable prestation de M. Potter. » Indifférent à l'ironie, Harry continua. « Je viens de vous démontrer qu'il existe bien un sortilège qui cause des blessures se caractérisant par une coupure nette, insensible au sort de guérison, dont il faut purger la magie avant de pouvoir la soigner. Ce temps perdu a pour conséquence de laisser une cicatrice, là où un sort commun ou un accident domestique correctement pris en charge ne laisse pas de traces. Cela fait beaucoup de points communs avec ce que vient de vous décrire le guérisseur Diesdorf, vous ne trouvez pas ? Sans attendre de réponse à sa question, Harry passa au point suivant. « J'aimerais que nous nous penchions plus précisément sur ce sort, le Sectum Sempra. » Harry fit parvenir au juge et à la défense un dossier contenant des pièces fournies par le Bureau des Aurores. « Vous avez sous les yeux les archives de l'infirmerie de Poudlard qui y fait état à deux reprises, en 1977, de blessures correspondant à la description que nous venons de vous fournir. Vous avez le compte-rendu des blessures constatées par l'infirmière de l'époque. Malheureusement, celle-ci est aujourd'hui décédée, tout comme ses deux patients. À partir de la fin de l'année 1978, les archives de Sainte-Mangouste font apparaître les mêmes plaies sur des victimes de Mangemort. On peut raisonnablement penser qu'une jeune recrue, après avoir passé ses aspics l'été 78, a fait connaître ce sort dans cette barbare confrérie. Harry fit une pause pour laisser à ses interlocuteurs le temps de digérer les informations qu'il venait de leur donner, puis continua. À cette époque, comme l'a fait remarquer Mr. McDougall, les adeptes de la magie noire se recrutaient essentiellement à Serpentard. Tous les Serpentards ne sont pas devenus mange-morts, mais une grande partie de ceux qui ont été arrêtés et jugés après la guerre y avaient fait leurs études. On peut en déduire que les discours pro-Voldemort y étaient tenus davantage qu'ailleurs, et que les recherches en magie occulte y étaient plus courantes et surtout moins dissimulées. Or, il se trouve que Mrs. Catherine Grimstone a appartenu à cette maison de septembre 1969 à juin 1977. Elle a donc matériellement eu la possibilité d'être instruite de ce sort par son inventeur. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la salle, Harry regarda la mère de Benjamin. Elle était livide, les yeux fixés sur lui. Son regard empli de rage froide donna à l'Aurore la certitude qu'elle était parfaitement capable de jeter le maléfice. « Je suppose que cet inventeur va sortir de la salle des témoins et nous affirmer qu'il a lui-même enseigné ce sortilège à ma cliente !» intervint Saint John Bielinski. « Tu sais bien que non, » pensa Harry rageusement. « Si c'était le cas, je ne me serais pas donné le mal de faire cette démonstration. » « L'inventeur est décédé, » l'informa-t-il le plus calmement possible. « Quel dommage ! Et pas de preuves matérielles indiquant son nom ou son appartenance à la maison Serpentard, du temps où ma cliente y était, je suppose. »« Non, » dut admettre Harry. Le défenseur en profita pour s'engouffrer dans la brèche. « Nous devons donc nous contenter d'une démonstration contenant beaucoup de suppositions. Pas de preuves directes, pas de témoins ayant vu ma cliente pratiquer ce sort. Allons-nous faire juger par ce tribunal tous les Serpentards ayant fréquenté Poudlard à cette époque ? Tiens, nous en avons déjà deux, Mr. McDougall et l'Aurore Pritchard. » Ce dernier ne réagit pas. Harry également resta impassible. Il savait que sa démonstration n'établissait pas la culpabilité de Mrs. Grimstone. Son but était seulement de convaincre les juges que la possibilité existait. « Était-ce votre conclusion, Aurore Potter ?» demanda le juge. « Non, mage président. Je continuerai ma démonstration avec votre permission. Nous vous écoutons. Nous avons vu que Benjamin ne peut pas s'être blessé dans un massif de griffetou. Nous avons vu qu'un sort noir infligeant les mêmes plaies que celles qu'il a présentées existe depuis 1978. Maintenant, nous allons voir comment on lui a jeté ce sort. » Il sortit un dessin et le fit circuler. C'était un croquis représentant le dos de l'enfant avec les blessures et les cicatrices telles qu'elles avaient été décrites dans le rapport détaillé du guérisseur. Voici ce qu'un guérisseur et deux aurores ont constaté, il y a un peu plus d'un mois, le 9 décembre 2004. Comme vous pouvez le voir, il y a deux entailles fraîches. La première part de l'épaule gauche et descend vers la hanche droite. La seconde débute un peu plus bas et se termine un peu plus haut, mais suit la même tendance. Elle descend de la gauche vers la droite. Il y a en outre deux cicatrices qui vont dans le même sens, toujours visibles, pour les raisons exposées par le guérisseur Hutchinson, c'est-à-dire l'action d'un sort noir. Par ailleurs, ces blessures ont été faites par quelqu'un qui tient sa baguette de la main gauche. Il fit un mouvement du bras gauche pour prouver ses dires. Tous purent constater qu'il traçait un mouvement descendant de la gauche vers la droite. À l'inverse, je peux affirmer que l'agresseur de Mr. McDougall était un droitier. » Tout le monde regarda le luthier, qui contemplait Harry d'un air aussi impressionné que celui avec lequel il avait auparavant considéré le guérisseur qui lui avait sauvé la vie. Pour en revenir à l'agresseur de Benjamin, « Mrs. Grimstone, pourriez-vous me montrer votre baguette ?» Les lèvres pincées, elle porta machinalement la main à la poche où devait se trouver l'ustensile. Sa main gauche. Harry hocha lentement la tête avant de reprendre. « Donc, Benjamin a été, à deux reprises, violemment frappé par un sort noir. Si vous le permettez, je vais vous montrer comment ça s'est passé. » Il quitta l'approbation de la cour. Le mage président eut un geste d'acquiescement. Harry fit signe à Christopher Perks et le marionnettiste alla dans la salle des témoins dont il revint accompagné d'un de ses mannequins de la taille d'un enfant. Tous écarquillèrent les yeux, bluffés par la démarche réaliste de sa marionnette. L'ersatz d'enfant dépassa son créateur, se planta devant les juges qu'il salua de la tête, puis avança au centre du prétoire. Perks attendit les directives de Harry. Sur un signe de ce dernier, le marionnettiste fit un léger mouvement de baguette et l'enfant se détourna pour leur présenter son dos. Harry se leva pour se placer derrière le mannequin et montra qu'il tenait sa baguette de la main gauche. « Bien entendu, dit-il, je ne vais pas lancer de Sectum Sempra. Il faudrait pour cela que je fasse monter en moi une colère et un profond désir de blesser cette figurine. » Mais elle évoque trop un enfant pour que ce soit possible. Pour moi, du moins. Car il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Comme ça. D'un mouvement déterminé, il lança un sort de lacération simple. Le sortilège zébra la robe dont ils avaient revêtu la marionnette et laissa apparaître la cire molle dont elle était faite. Sous le choc, la pseudo-victime fut propulsée vers le sol. Perks ne la retint pas, se contentant de lui faire porter ses mains en avant et atterrir à quatre pattes. Sans prendre garde à l'exclamation horrifiée qui venait d'un des juges assesseurs, Harry porta posément un second coup qui s'inscrivit sous le premier. Il s'avança ensuite vers le pantin qui était maintenant complètement effondré et montra du doigt le résultat. Deux entailles, de bas en haut et de gauche à droite, la seconde, d'un angle moins marqué à cause de l'angle de tir. Il rangea sa baguette et reprit sa place, laissant le mannequin là où il était tombé. Les autres eurent du mal à détourner les yeux de la pitoyable silhouette. Grister Diesdorf, se reprit enfin le mage président. Pouvez-vous nous indiquer si les marques sur ce mannequin ressemblent à celles que vous avez constatées sur l'enfant, Benjamin Grimstone ? D'un pas mal assuré, le médico-mage s'approcha et examina avec soin le tas de cire et de tissu maintenant sans vie. « Oui, les marques correspondent, » assura-t-il. Il reprit sa place. Sur un signe de tête de Harry, Perks fit léviter sa création vers les juges. « Je vous demande de comparer les déchirures du tissu du mannequin avec celles de la robe que portait l'enfant, » continua implacablement Harry en produisant les deux pièces. Comme vous pourrez le constater, on retrouve la même coupure nette de la matière. Rien à voir avec les fils arrachés et déchiquetés par ces griffes tout bien commodes. Les juges se penchèrent pour faire leur inspection, puis le mage président demanda à l'artiste d'amener la démonstration de Harry auprès du représentant du ministère, qui avait l'air un peu hagard, puis de la défense. Mrs. Grimstone se cachait le visage dans des mains qui tremblaient convulsivement. Son mari contemplait le sol, incapable de soutenir la vision du corps disloqué de la marionnette. Bielinski tenait mieux le choc. Après tout, il avait eu pour client d'authentiques mange-morts. Il avait un visage inexpressif, mais Harry savait qu'il réfléchissait à toute allure pour adapter sa plaidoirie aux nouveaux éléments apportés. Quand la défense fit signe qu'elle avait terminé d'examiner ce qu'on lui avait mis sous le nez, Perks déposa son œuvre sur un banc réservé au public, prenant soin de choisir un endroit qui n'était pas dans la ligne de mire du tribunal. Harry le lui avait préalablement spécifié, ne voulant pas abuser de son artifice. Tout le monde sembla soulagé de la voir disparaître. Je n'ai plus qu'à conclure, dit Harry, la bouche sèche, se retenant de se frotter les yeux d'un geste las. Benjamin n'a pas été blessé par des griffes toux. Benjamin a été victime d'un sort noir. Au vu de ses cicatrices, ce n'était pas la première fois, même si les coups précédents, sans doute portés avec moins de violence furieuse, ont pu être soignés par ses parents. Benjamin a été sauvagement attaqué par une personne qui tient sa baguette de la main gauche, comme sa mère. Sa mère qui a fréquenté de près l'inventeur de ce sort. Sa mère qui a menti sur les circonstances du drame qui a pratiquement tué son fils. Sa mère qui ne nous donne aucune explication valable de la façon dont son enfant s'est retrouvé avec deux entailles mortelles. Harry prit une profonde inspiration avant de se lancer dans la dernière ligne droite. Le bureau des Aurores est persuadé que Mrs. Grimstone a grièvement blessé son fils à l'aide d'un sort noir, le Sectum Sempra. Elle était sur place, elle connaissait le sort, elle est gauchère. Nous demandons à ce titre qu'elle soit emprisonnée à Azkaban pour la durée que le tribunal jugera bon. Dans le cas improbable où la cour ne jugerait pas les charges contre Mrs. Grimstone suffisantes pour l'inculper pour usage de la magie noire, nous tenons à souligner que Mr. et Mrs. Grimstone ont menti pour couvrir un criminel qui a sauvagement attaqué leur enfant et dont la place est à Azkaban. Ils ne reconnaissent pas les faits et ne l'ont pas signalé aux autorités compétentes. Et c'est la seconde fois qu'un tel drame se produit. Ce faisant, Mr. et Mrs. Grimstone ont montré qu'ils sont incapables de garantir la sécurité de leur enfant et que celui-ci doit être au plus vite mis à l'abri de leurs agissements ou de leur négligence coupable. Nous demandons que l'enfant Benjamin Grimstone soit retiré de la garde de ses parents et élevé par une famille choisie par le ministère. Ayant terminé, il se rassit, les jambes coupées, la tête bourdonnante. Pritchard lui fit passer un papier sur lequel il avait écrit « Bravo !» Complètement vidé, Harry n'arriva même pas à sourire. Comme dans un rêve, il entendit le président demander au représentant du ministère de la magie s'il souhaitait s'exprimer. « Je m'en remets au bureau des Aurores, » déclina ce dernier. « La parole est à la défense, » déclara le mage président. Harry vit Saint John Bielinski se lever et commencer sa plaidoirie. Il n'arriva pas à se concentrer sur ce qu'il disait, mais, à ses côtés, son partenaire prenait des notes. Au bout d'un quart d'heure, Harry parvint à émerger et comprit que le défenseur des Grimstone avait définitivement renoncé à la thèse des Griffetou et ne contestait même plus le Sectum Sempra. Il se contentait de sauver les meubles et de tenter d'éviter à sa cliente l'inculpation pour magie noire. En gros, il soulignait qu'après avoir écarté des débats les suppositions, les affirmations sans preuve et les coïncidences, l'accusation contre Catherine Grimstone se retrouvait sans fondement. Après avoir produit des témoins de moralité qui durent se demander pourquoi la cour les contemplait avec autant de froideur, Bielinski arriva au bout de ses arguments et la cour se retira pour délibérer. Harry put enfin se permettre de fermer les yeux et de se pencher en avant en prenant appui sur la table où il avait posé son dossier. Pritchard lui fit passer une petite flasque en métal. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harry. « Ne pose pas la question, tu ne seras pas en tort. » lui souffla son partenaire. Au pire, je pourrais prétendre que je vous l'ai prescrit, ajouta sur le même ton le médicomage en chef Huskinson qui s'était approché d'eux. Harry avala de gorgées d'alcool fort avant de coasser. Je prendrais bien de l'eau aussi. Pritchard fit venir de sa baguette un verre et la carafe d'eau mis à leur disposition. Pendant que Harry s'abreuvait, l'Aurore Senior remercia Huskinson, MacDougall, Diesdorf et Perks de leur collaboration. Quand Harry reposa son verre, il se sentait mieux. Il espéra que la délibération ne durerait pas trop longtemps. Normalement, il en profitait pour sortir se dégourdir les jambes, mais le monde qui l'attendait dehors ce jour-là l'en dissuada. Il se rendit compte que le guérisseur Huskinson le regardait fixement. Il leva un sourcil pour l'encourager à dire ce qu'il avait sur le cœur, pensant que c'était au sujet de l'audience en cours. « Je vous avais croisé une ou deux fois dans un lieu public, monsieur le survivant, » dit lentement Huskinson. « Et j'avoue que je m'étais demandé comment vous aviez fait pour vaincre vous savez qui. » Maintenant, je me l'explique mieux. » Il lui adressa un signe de tête et alla rejoindre son jeune collègue qui était retourné à sa place et qui discutait avec Perks et MacDougall. Harry le considérait en clignant des yeux, tentant de comprendre ce qu'il avait voulu dire, quand Pritchard ajouta une couche. « C'est vrai que t'étais impressionnant. Quand tu as lancé le sort contre la marionnette, tu avais l'air tellement déterminé que ça m'a fait repenser à ce jour-là. » Harry secoua la tête. Il n'avait pas besoin d'entendre ça, et l'idée que cela le poursuivrait sans doute toute sa vie n'était pas pour lui remonter le moral. Il sortait sa montre de son gousset pour la 10e fois quand, enfin, le carillon annonça le retour de la cour. Les 3 juges prirent place et le mage président annonça la décision prise. Après avoir entendu les différentes parties au procès, la cour en a ainsi décidé. L'enfant Benjamin Grimstone est définitivement retiré à la garde de ses parents et mis sous la tutelle pleine et entière du ministère de la magie. Par ailleurs, la cour n'a pas relevé suffisamment d'éléments pour porter une accusation d'usage de magie noire contre Mrs. Catherine Clagg, épouse Grimstone, et ne prononce aucune peine à son encontre. La cour a tranché, l'audience est levée. Pendant que la cour se retirait, les témoins des Grimstone, qui n'avaient pas assisté à l'accusation de Harry, s'étonnèrent bruyamment de la sentence rendue et se précipitèrent pour soutenir les parents qui avaient été, selon leur conviction, injustement privés de leur enfant. « Ce n'est pas une si mauvaise décision, » dit Pritchard à son jeune collègue. « Tu as convaincu la cour, à défaut d'apporter une preuve recevable. On a gagné notre pari. » Il est vrai que Pritchard ne lui avait jamais caché combien leur chance d'emporter une inculpation était faible, sans aucune preuve matérielle ni ses aveux. D'ailleurs, leur mise en scène avec le pantin avait eu pour but premier d'amener les juges à mettre l'enfant en sûreté. Et ils avaient réussi. Les 2 aurores se levèrent et se préparèrent à affronter la foule qui attendait toujours, ainsi qu'ils le voyaient, par les portes ouvertes par les huissiers. Ils s'apprêtaient à plonger dans la cohue quand Harry entendit la voix de Saint John Bielinski derrière lui. « Très intéressante façon de défendre un dossier, Monsieur Potter. J'espère que nous aurons l'occasion de croiser le fer de nouveau. » Cette fois-ci, la voix du défenseur était exempte de toute trace de moquerie ou d'ironie. Mais Harry était trop fatigué pour imaginer se retrouver face à lui avec plaisir. « J'espère que vous choisirez mieux vos causes à l'avenir, » répliqua-t-il brusquement, avant de continuer sa marche, sans un regard en arrière. Les jours suivants, Harry mesura la portée de la décision. Tout le monde en parlait à leur étage au ministère. Chez les Aurores, à la police magique, au service de la justice magique. Suzanne Bones, qui y travaillait, vint lui remettre un article d'une revue spécialisée en droit qui analysait la façon dont Harry avait imposé son opinion sur l'usage d'un sort maléfique sans que celui-ci n'ait été détecté par magie. « On a le droit de publier ça ?» s'était inquiété Harry. « Pourquoi avoir imposé un huis clos si c'est pour tout raconter après ?» Le huis clos était plus ou moins automatique du fait de la minorité de la victime, lui expliqua Suzanne. C'est d'ailleurs pour ça que le nom de la famille est remplacé par X dans la revue. Ce n'est pas notre faute si les parents ont tout raconté à la presse, permettant ainsi de faire le rapprochement. Harry relut l'article et commenta. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que c'est une nouvelle façon de plaider? Je ne suis sûrement pas le premier à utiliser des preuves non magiques. Ne me dis pas que la police magique n'utilise jamais d'éléments matériels pour prouver la culpabilité de ceux qu'elle arrête. Si. Mais ce n'est pas aussi recherché et imagé que tu l'as fait. Et ce n'est jamais utilisé dans le cadre d'un procès en magie noire. On se réfère toujours à des preuves magiques ou aux témoignages des aurores pour ça. C'est pour ça que c'est une jurisprudence intéressante. Mais enfin, c'est le béaba chez les moldus. Justement, ce n'était pas très bien vu d'utiliser ces méthodes si peu sorcières. Même ceux qui les connaissent grâce à leurs liens familiaux n'osent pas les utiliser à cause de l'image péjorative qui y est attachée. Je ne sais pas si un autre que toi aurait pu faire passer une telle révolution. J'aurais préféré que ce soit parce que les mentalités ont changé, grommela Harry. C'est peut-être ça aussi, tempéra Suzanne. Cela avance petit à petit avec ces nouveaux produits qui ne cachent plus l'origine de leur inspiration. Nous évoluons, Harry. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle, se réjouit l'Aurore.